ailleurs. Si j'ai pas été bien de franchir les Jourdains par un miracle divin, mais un obstacle puissant, le conseil des canons vient arrêter les rentrées. C'est la pierre Jéricho, Jéricho, Jéricho, proclamez joyeux ce coup, la louange fait tourner tous les humains et Jéricho, Jéricho, Jéricho, proclamez joyeux ce coup, la louange fait tourner tous les humains et infectés. Tout le peuple est confondu, on sera très inconformé, que l'on est l'infini bien, tant en tant en Israël, qui vient du à Josué. Il a dit péché, avec ses soldats sont là, je vais la vaincre avec toi. Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho, ne pas sauver ici, mon sang éclaire en tout temps, avec la chape et le nez, les fleurs qui vont se faire, les soleils ont joué, les amis pour son esprit, l'éternel nous a livrés, c'est à retentir. Sont la foi exprimée. Agir mieux que parler. Que nos actes révèlent ce que nous croyons. Si nous croyons que Dieu est puissant, alors offrons-lui des prières puissantes, de louanges puissantes, une adoration sincère et sérieuse. Un amour inébranlable. Une foi inébranlable. Croyant que tout est possible. Dieu change tout. Il change l'amertume en douceur. Quand Israël marchait au désert, ils ont fait face à l'épreuve des eaux amères. Alors qu'ils devaient rendre culte à Dieu au bout de 3 jours, mais 3 jours après la sortie d'Égypte, c'était des eaux amères partout. Alors, Dieu a révélé à Moïse un certain bois qu'il est allé couper dans la nature. Ce n'était pas au ciel, mais sur la terre où nous étions. Dieu a utilisé les choses naturelles ici pour manifester une solution surnaturelle. Moïse a pris ses bois. C'est le type de la croix. La croix de Jésus-Christ. Elle a été tirée de la terre ici. Et celui qui est mort sur ces bois, c'est le Dieu créateur. Venu nous représenter, venu nous délivrer, nous sauver, venu payer le prix complet. Il l'a fait lui-même pour se rassurer des résultats durables, incontestables et éternels. Moïse a pris ses bois, il l'a mis dans l'eau. Toutes les eaux amères sont spontanément devenues douces. Le surnaturel de Dieu, illimité dans l'espace. Partout il y avait les gouttes d'eau prenable. Au même moment, toutes ces eaux-là sont devenues douces. Tu pouvais boire n'importe où. Tu pouvais puiser n'importe où tu es. Quand tu sois le coin de la terre où tu te trouves là, viens aux eaux. Ne crains pas. Viens aux eaux de la parole. Viens à l'évangile surnaturel. Crois à cette parole vivante. Toutes tes amertumes seront changées en douceur. Le vécu désagréable, les expériences décevantes, mais Dieu remplacera tout cela par une expérience fraîche, bienfaisante et merveilleuse, où tu les sentiras combien il est bon, combien sa présence est agréable, combien il donne la joie et la consolation, comment il guérit de toutes les maladies. Que son nom soit béni éternellement. Il change l'amertume en douceur. Il change notre vie de péché en sainteté. Il change notre vieille réputation et l'empêche pour nous donner une réputation nouvelle, une vie nouvelle en Jésus-Christ. Toujours plus près de lui. Plus près de lui tout le temps. Dieu Tout-Puissant. Ton nom est merveilleux. Ta parole est surnaturelle. Ta puissance est infiniment grande. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Aucune main ne peut dominer. Aucune œuvre ne peut dépasser. Aucun projet, programme ne peut contourner. Tout passe par encore toi, Seigneur. Non, tu as autorité suprême. Nous soumettons à toi nos personnes. Nos esprits et nos âmes. Tout notre être sera. Pour que tu les façonnes. Tu les tailles. Tu y travailles ce matin. Travaille notre caractère. Travaille notre comportement. Change notre nature. Donne la gloire à ton nom dans nos vies. Nous soyons des adorateurs. Ce que toi de tu cherches. Nous adorerons en esprit et en vérité. Solidement établi dans la foi. Solidement établi dans la volonté parfaite de Dieu. Et tant ta main. Faites-nous une église établie avec des guerriers à l'ancienne mode. Combattants restaurés. Digne d'être appelé combattant. Capable d'évoquer ton nom. Capable de toucher au surnaturel. Capable d'amener Dieu sur la scène. Capable de donner un témoignage touchant. Donne-nous ces capacités, Seigneur Jésus. Cher Dieu vivant, change ce que nous sommes. Et fais de nous ce que tu veux. À ton image, dans ta pensée, dans ton inspiration. À toi, nos hommages. Gloire et louange éternelle. Avec puissance et sincérité. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous prions et t'adorons. Amen. Nous allons lire maintenant la sainte parole du Dieu vivant dans sa Bible. Timothée chapitre 3, le verset 14 et 15. J'ai écrit ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Nazali kokomela yo makambu oyo na elika ete na koya epai na yo na tango moke. Soko na kokomela nano, ukoyeba nzela ekoki mpona kosala ka makambu kati na ndako na Nzambe. Yango ezali lingomba na Nzambe na bomoi. Mikonzi mpe ekimeselo na makambo na solo. Ephésiens chapitre 4 verset 11 à 16. Ba Efesa mokapo ya minei molongo ya zomi na makokino na zomi na motoba. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'enfant, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent des doctrines. Par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui lui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Vompe asili kope sa makabo ete ba mususu ba dala bantoma, ba mususu ba sakoli, ba mususu ba palanga ti sango malamu, ba mususu ba bate limpe balakisi, pona kobongi sa babulani, pona mosala na kosungaka, pona kotongaka nzoto na Kristo, kino ekokoma biso nyonso na boboko na kondima, pe na boyebi na mwana na Nzambe na mobali mobimba, na epimelo monene na mutondi na Kristo. Ete, tous à la barre amiquée, les sous-soutés, Bizali mpe bakosalaka lokola ebongi na yango mpe bongo ezali nde komilengisaka na bolingo. Colossiens chapitre 1 verset 21 à 23. Bakolosa mokapu ya liboso molongo ya tukumbale na makoki na tukumbale na misoto. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Par vos mauvaises œuvres, vos pensées et vos mauvaises œuvres, ennemis, étrangers même. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. C'est le changement. Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et irréprochable. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Na binompe, bozala ki liboso bapaya. Mpe bayinikati na makanisi na bino. Makanisi na bino. Mpe na misala na bino mabe, misala ya mabe. Kasi, sikao, asikoli binompo na kufa na nzoto na ye, na mosuni ete. Ako mise bino babula miliboso na ye, awa ezangi bino, litono mpe lofundu. Ezali bongo, soki bokozala kotele mangui na kondima, lokola moboko. Mpe, soki bokobongama te longwa na elike na sangmalamu yoka kibino. Sango yango esilinde ko sakola maka epai na batu nyoso na nse na likolo. Mpe ngai Paulo na komi. Mosaleli na yango. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que tes femmes apprennent la botte engelo banani. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur. Toutes les commandes ça fait la combo dans le nom de Jésus-Christ. Nous souhaitons la bienvenue. Nous sommes bénis de vous aimer là pour manger la parole. On a collé l'iloba. Et pour recevoir la vie. Nous pouvons pas nous jouer. Si ce que nous entendons est la vérité, c'est de cette façon que nous recevrons la vie. Mais si ce que nous entendons est un truffage de mensonges, et si c'est une vérité et une portion de théologie, de la morale et de l'histoire, nous n'aurons pas la vie. Pour recevoir la vie, ce que nous entendons de l'évangile, dans les prédications, dans les sermons, tout doit être vrai. C'est de la vérité de Dieu qui sauve. La vérité de Dieu délivre. La vérité divine sanctifie. C'est elle seule qui libère les âmes de l'emprise maléfique du diable, de l'emprise infernale de l'enfer. La vérité de Dieu sanctifie. Elle libère et détache les âmes de l'influence nuisible de Satan. Une influence nuisible de Satan. Mais Dieu envoie sa vérité pour arracher les âmes à ses âmes, pour briller les âmes de ces liens infernaux et leur donner une place parmi les rachetés. Leur donner un rang parmi les sauvés. Si tu es l'un d'eux, tu seras heureux. Et bénéficiaire de cette grâce merveilleuse. La grâce salutaire. Nous avons dit que Dieu peut tout changer. Nous sommes sérieux quand nous le disons. Nous ne disons pas pour animer un auditoire. Car je ne suis ni animateur ni spectateur. Mais je suis un frère racheté par le sang de Jésus-Christ. Et j'ai confiance dans ce sang. Car Jésus-Christ est l'unique fondement. Et quand nous parlons et nous nous présentons appuyés sur lui, Nous avons peur d'être ébranlés par nous. Notre fondement tiendra les coups. Dans 1 Corinthiens 3, verset 11, il est écrit ici, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Personne ne peut le faire. Ni en moi, ni en toi. Croyant conscient du combat spirituel. Non pas le combat fictif, mais le combat réel. Sachant d'où est-ce que Dieu t'a tiré. De cette vie d'inimitié et d'incrédulité. Et il nous donne un rang parmi les rachetés. Il nous donne une place dans son église, sa maison. Alors là, personne ne peut poser un autre fondement. Comme nous avions commencé à méditer vendredi, c'est clairement dit que Dieu veut une église établie. Et que nous prenons la deuxième partie de cette méditation aujourd'hui. Dieu veut une église établie. Donc, composé des hommes et des femmes fidèles. Affermis. Croyants. Persévérants. Remplis d'amour divin. Sondés dans l'amour. Dieu veut pareil gens. Qui doivent croire. Grandir pour devenir sans défaut. Sans reproche. Pur et saint. Dieu a planifié ça. Et Dieu le Tout-Puissant réalisera tout cela. En chacun de ce que lui a appelé. Je vous dis la vérité, au nom de Jésus-Christ, Dieu a planifié cela avant la fondation du monde. Et Dieu le Tout-Puissant réalisera tout cela. Pour tout ce que lui-même a appelé. Ils seront fidèles. Croyants. Affermis. Persévérants. Fondés dans l'amour. Sans défaut. Sans reproche. Pur et saint. Chacun d'eux deviendra saint. Dieu ne joue pas au théâtre. Mais Dieu est l'auteur d'une œuvre parfaite. Ce qu'il fait sera bien fait. Au bout du tunnel, vous verrez qu'il avait raison. Et qu'il a tout fait comme prévu. Avec lui, pas d'échec. Je veux que nos cœurs soient conscients de ce que Dieu veut faire pour nous et que nos cœurs collaborent étroitement. Point par point, minute après minute, avec sa main puissante et immuable, pour atteindre ensemble cet objectif. Amen. Toi et Dieu. Dans le sermon, les réalités infaillibles du Dieu vivant. Prêchez le 26 juin 1960. Je peux lire un extrait de paragraphe 254 selon l'imprimé. Établissez votre fondement en Jésus-Christ. Chacun de nous doit entendre et croire. Établissez votre fondement en Jésus-Christ. Et soyez certains que c'est en lui. Et établissez votre fondement en Jésus-Christ. Ne vous arrêtez pas à dire, oui, je le ferai. Oh oui, je sais que c'est déjà fait. Non. Vérifiez et rassurez-vous. Que ce fondement-là, si vous en avez un, il est effectivement et certainement en Jésus-Christ. Ne soyez pas superficiel et pressé pour conclure. Établissez votre fondement en Jésus-Christ. Pas en Joseph Branham. Ou un quelconque pasteur. Même pas dans les prophètes Branham. Quand c'est lui-même qui vous dit, établissez votre fondement en Jésus-Christ. Quoi écoutez les matins colobanam. Gaï Branham Kaka. C'est un fanatisme, il est démoniaque. Il te faut une délivrance. Et c'est le temps quand on l'a posé en présent. Il aura honte de toi d'avoir des fiers disciples comme toi. Un disciple de mauvaise qualité. Et fais la honte du message. Établissez votre fondement en Jésus-Christ. Et soyez certain que c'est en lui. Église, écoutez ça. Appliquez, faites ça. Établissez votre fondement en Jésus-Christ. Mais ne t'arrêtez pas de dire, oh mais c'est déjà comme ça. Oh mon ami. Ensuite, soyez certains que c'est en lui. Soyons pas superficiels. Hein? Il y a mon fondement moi est en lui. Êtes-vous certain? Ok, si bon, si Jésus-Christ est l'unique fondement inébranlable. Imperturbable. Il résistera à toute épreuve. Il survivra à toute tentation. Même quand vous le mettrez dans le séjour des morts, son âme n'y sera pas abandonnée. Il se retrouvera parmi les vivants. Car il est la résurrection et la vie. Il a le pouvoir de donner sa vie. Il a le pouvoir de récupérer sa vie. Il n'a pas dit seulement, mais il l'a trouvé et confirmé. Cachou, à salé l'hyper d'initié. L'unique fondement inébranlable d'appareil Jésus. Soyez certains que votre fondement est en lui. Dieu veut de croyants établis. Solidement établis. Batiami benzan na makasi. Pas des roseaux agités par le vent. Ni des astres errants. Même pas de vagabonds religieux. Ils sont ici, ils sont là, ils sont là. Mais finalement nulle part. Ils croient ceci, ils croient cela. Mais finalement ils croient rien du tout. Ce n'est pas le genre de travail pour lequel Jésus est mort. Pour produire cette piètre catégorie de croyants. Des croyants médiocres. Des bas niveaux. Mais Jésus veut la perfection. Des disciples accomplis. Et il a dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Alors, il était faux de venir pareil à celui que tu appelles maître, Jésus-Christ. Établissez votre fondement en Jésus-Christ. Et soyez certains que c'est en lui. Comment entrerez-vous en lui? Est-ce par une poignée de main? Par l'aspersion d'eau? Ou l'aspersion un peu de l'huile parfumée? Est-ce ça? Et tu vas t'accrocher à un truc pareil. Depuis qu'on avait aspergé là, tu as placé ton fondement dans l'aspersion d'une huile parfumée. Cette huile parfumée n'est pas Jésus-Christ. L'huile a eu un commencement, l'huile aura une fin. Mais Jésus-Christ est l'Esprit éternel. Immortel. Vous entrez en lui comment? Par une poignée de main? Ça? Oui. Une vraie poignée de main. Ça, ce n'est que charnel. Il n'y a rien de spirituel ici. Et là, c'est la chair contre chair. Mais tu ne peux pas t'appuyer sur un truc pareil. Ce n'est que de la psychologie. Un sentiment passager et dérisoire. Comment entrez-vous en lui? Ou est-ce que certain que votre fondement est établi? Comment entrez-vous en lui? Ou alors est-ce que certain que votre fondement à vous est en lui, Jésus-Christ? Est-ce par une poignée de main? Par l'aspersion? Par n'importe quoi? Écoutez plutôt. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. 1 Corinthiens 12. Pour former un seul corps. Un seul Saint-Esprit. Baptisé pour former un seul corps. Où se trouvent 9 dons spirituels. Et 4, il dit 4, mais c'est plutôt 5. 4 offices spirituels dans ce corps. 9 dons spirituels et 5 ministères ou 5 offices spirituels. À l'intérieur, Dieu a établi dans l'église des apôtres, des prophètes, et ainsi de suite dans cette église. À l'intérieur, il y a des dons de guérison, des miracles, de parler en langue, de sagesse, de connaissance. Voici les choses, les signes qui accompagnent le croyant. Voyez-vous là où doit être votre fondement? À l'intérieur ici. Du corps de Jésus-Christ. Mais vous y entrez comment? Par une poignée de main. Par l'aspersion de l'eau ou de l'huile parfumée. Par l'aspersion de l'eau bénite. Ça, c'est des bêtises. Vous n'entrez pas en Jésus-Christ comme cela. Ça ne vous fait qu'un effet charnel, un peu de la sensation des liquides qui coulent sur le corps. Il donne certaines idées pendant que ça coule. Et tu penses être devenu spirituel parce qu'on a déversé de l'huile bénite. Ce sont des impressions éphémères et dérisoires. Cher ami, si vous n'êtes pas encore baptisé dans un seul corps, par un seul Saint-Esprit, soyez sûr et comprenez-moi bien, votre fondement jusqu'à présent n'est pas encore en Jésus-Christ. Vous flottez encore dans les églises terrestres, dans les lieux de rassemblement terrestre, dans le monde du péché. Moninga nanga yokanga imalamu. Kino lelo oyo. Soki nanu Par exemple, 255 imprimés ou 250 électroniques. Pourquoi accepteriez-vous ce que je n'arrive pas à comprendre? Pourquoi les gens voudraient se nourrir de mauvaises herbes ecclésiastiques alors que le rocher est plein de miel? Ils préfèrent se nourrir de mauvaises herbes ecclésiastiques. Des choses que les religions leur servent. Et quand on vous indique l'expérience authentique et biblique comme celle-ci, le véritable sauveur de Dieu, le baptême dans un seul Saint-Esprit. Non. Ils n'y donnent pas l'importance. Après avoir entendu, vous les verrez encore aller s'endormir chez eux. Continuer leur vie comme par le passé, les mêmes formalismes vont se poursuivre. Nous pensons des fois ne pas être idolâtres. Mais souvent nous le sommes. Idolâtres. Et bien comment et pourquoi ça? Alors, il suffit d'entendre l'évangile et après l'avoir entendu, ne rien faire à ce sujet. Voilà le comportement des idolâtres. Ils entendent l'évangile. Parfois ils sont touchés. Parfois ils sont seulement concernés. Et là, ils quittent l'église. Après le moment de prédication, ils ne font rien à ce sujet-là. Idolâtres. N'êtes-vous pas ici présent? Est-ce que ceci ne dévoile pas ce que tu es toutes ces années? Toi homme, toi femme. Soyons sincères. Est-ce que ceci ne dévoile pas la vie que tu mènes à l'hebdomadaire chaque semaine ici? Et puis après, tu vas encore venir. Après, tu viendras encore. Après, tu feras toujours. Tu ne seras pas le Dieu vivant. Tu es dans les formes religieuses. Dans les routines d'église locale. Donc, comme un membre d'une loge. Ce qui compte pour toi, ce sont les formes habituelles qu'on répète. Tapez les mains. Allez, chantons. Nakoye mba nanzela kome mbato okunana ekoroso. Après avoir fait ça, j'écoute la prédication. Amen, amen. Qu'il te chili. Nous sommes ici. Ok, fais la voie sur le transport. Ah oui, c'est un autre transport. La priorité pour toi, après avoir fini le culte, c'est le transport, le commandant. Le bambou, le commandant, le sac, le outil, le bible, le outil, et tout. Carnet, d'ailleurs, même Bano, tant que vous avez un vide débile. Tant que vous avez même référence à ma tête, trop de vide. Ah, vous avez raté, oui, vous avez. Donc, toujours, vide, la vide, négligence complète. Du gogo et les qui. Et prochainement, voyez. Donc, il ne le fait même pas parce qu'il doit plaire à Dieu, mais il le fait parce que, appelle mon Koya, n'a pas besoin de mal au Bakoloba. Il y a des gens qui ont été petits. Il faut que l'on ait. Ne crois pas commencer à t'en prendre à moi. N'attends même pas la fin de la prédication, que ton cœur commence déjà à se repentir. Au-dedans là-bas, maintenant, il faut que tu aies un peu de temps. via idolâtrie. Les choses doivent changer. N'est-ce pas? Oui. Mes chers amis, les choses doivent changer. Établissez votre fondement en Jésus-Christ. On l'a dit, personne ne peut poser un autre fondement. En dehors de celui qui a déjà été posé. Savoir Jésus-Christ. N'allez pas dans des idées divagatoires pour chercher un fondement à gauche à droite. Imaginez. Le fondement est ici. C'est dans la parole. Jésus-Christ est son nom. Le sceau de Dieu, c'est l'expérience. Le baptême par un seul Saint-Esprit. Le même qui avait baptisé Pierre. Le même qui a baptisé Étienne. Le même qui avait baptisé Jean. Le même qui avait baptisé Paul. Le même qui avait baptisé Ananias. Hein? Le prophète et pasteur du Seigneur. Le même qui avait baptisé William Branham. Le même qui doit être baptisé. Actuellement le même. Le même Saint-Esprit. Unique et seul Saint-Esprit. Et c'est une robe de noces qui nous rend tous pareils. Amen, amen. Et ça, l'uniforme de Dieu. Pour son église, sa maison. Rien à voir avec les soutanes aux dominantes violettes. Quand il s'agit des évêques, ils vont porter les soutanes avec des violettes. Et quand il s'agit du cardinal, lui il va porter avec les dominantes rouges. Ça n'y est pas dans la Bible tout ça. Ça, ce sont des tenues fabriquées par les hommes de la terre. Même s'ils peuvent porter plainte contre quelqu'un d'autre parce qu'il a porté leur tenue. Histoire de débat au sujet du sango. Semble-t-il, Sango Mokonzi, on l'a menacé. Pourquoi il porte la soutane, il se fait appeler Sango Mokonzi? Est-ce que lui, il a fait sa formation théologique pour mériter le titre de prêtre? Où? Alors, il doit apporter cette tenue-là. Vous voyez ça? Les hommes de la terre. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie dans ça. Voilà les mauvaises herbes ecclésiastiques. Et les adeptes peuvent dire, et balo bongo pote balo belela ila mana bango ya eklezi o mutu kususa sana bango elongote alati. Frère Branham a dit, le vêtement ecclésiastique, je vous le dis, dans les sermons tournés les regards vers Jésus. Le vêtement ecclésiastique que tout homme doit porter, c'est le baptême du Saint-Esprit. Toute personne doit porter ça. Et là, il n'y aura pas un homme qui va porter plainte contre un autre, déposer une plainte dans les cours des tribunaux. Mais c'est Dieu le défenseur de son royaume. Quand quelqu'un prétend avoir porté ça, et que Dieu lui ne le lui avait jamais donné, son sort est connu dans Matthieu 22. Il sera jeté, sorti du royaume, jeté par les fenêtres dehors. Il sera humilié publiquement. Ne vous improvisez pas. Mais recherchez l'authentique. Parce que le rocher est plein de miel. Dieu possède un esprit authentique pour ton âme. Dieu possède une portion véritable pour ton âme. Nzambe azali na etendre mobani pona mwela na yo. Na sente o que sim chifre de la terre. On y va tel comme quoi ça sangle sika ngo. On le dit ça vendredi. On va faire une fabrication locale. Ça la sala terre mo kilo yo. L'hygiène du Saint-Esprit se trouve au ciel. Amen. Amen. Amen. Dans aucune église de la terre ici. Mais quelle est j'attends mon côté mon pays. L'huile qui produit le Saint-Esprit. Ah. Oui, quoi ta comme se trouve là au ciel. Yango bi makobele na lola. Et le chef de cette usine, c'est Jésus-Christ. Amen. Jean-Baptiste a dit, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. C'est dit au sanglier et ça concerne Jésus-Christ. Mais ne vous laissez pas flatter par les noms de l'Église. Église, les saints du Saint-Esprit. Et que l'église passante, il y a voulu mon santo. Tabernacle, la gloire originale du Saint-Esprit. Mon rambo, santo. Église, maison du baptême spirituel. Et que l'église n'a pas il y a. Et quand tu vois ces noms, tu penses que c'est là qu'il faut aller puiser. Il ne faut que tu te trompes par leurs noms. Parce que finalement, ce nom commence à ressembler à de l'auge de foi. Na bongo soki otali bobele bakomongo yo mikosi ete nde sika okenda kotoka nzoka nde bakombo yango ekoki kozala lokola makita bobele esika ya bato basangani papa. Et l'éloge, quand on donne les noms, on veut juste y mettre de l'attraction. On choisit un nom attrayant. Makita ya bato soki balingi batia kombo batiaka nde eloko moko na kati wana oyoki boye ebendi na bokebi. Mais Jésus a dit. Nul ne peut venir à moi. C'est le Père qui m'a envoyé. Ce qui t'attire premièrement. L'attraction, on ne doit pas la placer dans un nom d'une assemblée locale. Mais l'attraction originale, nous devons la conserver là où Dieu l'a placée. Et c'est dans son unique nom. Le nom de Jésus-Christ, le nom de Saint. Gardez ça là-bas. Amen. Sommes-nous d'accord? Le frère Branham a dit, dans l'Église d'Éphèse, l'éducation orale, il a dit, Dieu ne peut pas avoir une église sans avoir d'abord établi un fondement pour cela. Et lui, Dieu ne viendra pas sur un tas de sottises. Mais il viendra sur sa parole. Pour avoir une église, il faut qu'il y ait d'abord un fondement pour cela. Et quand Dieu lui doit venir et intervenir, il doit agir en faveur de ses enfants rassemblés. Il ne vient pas sur un tas de sottises. Le fondateur de cette église, d'abord son nom signifie amour divin. Ensuite, avant que l'église ne commence, sa femme avait fait un songe paradoxal. Il avait vu un ange qui survolait tous les ciels comme ça. Cet ange-là avait deux ailes. Et ses ailes étaient toutes blanches. Et quand il s'est mis à siffler, on a vu les gens qui devenaient légers comme des fourmis, qui commençaient à quitter la terre et qui montaient dans le ciel. Les songes de la femme du fondateur de cette église montrent que c'est ici où Dieu enlèvera les gens. Et c'est ça un tas de sottises. Les gens peuvent se reposer dessus pendant des années et raconter ça à les autres. C'est un tas de sottises. Ça n'y a pas dans la parole. Qu'un ange y a des ailes. Ce n'est pas ça. Moi, je suis là, papa, pour me faire un peu de et que les gens soient devenus comme des fourmis, tout ça, c'est des illusions. On ne doit pas établir l'église sur des fables. Détourner l'oreille de la vérité et donner confiance à des femmes. Dieu ne fait pas ça pour ses enfants. Dieu ne travaille pas comme cela. Tout ce que Dieu fait, c'est sur base de sa parole. Le commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Jean 1, verset 1 et 2. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Et le cognon soit et salami, et sanité que salité. Si une église doit exister pour Dieu, et selon Dieu, ce que quelqu'un est secret, c'est à la paix, c'est à la nez, c'est à la elle doit être le résultat de la parole. C'est à la paix, c'est à la paix, elle doit être le produit de la parole. C'est à la paix, c'est à la paix, c'est à la paix, sinon pour Dieu, elle n'existe même pas. Ce qui est sanguin, c'est à la paix, c'est à la paix, c'est à la paix, c'est à la paix, une église sur l'existence. C'est à la paix, c'est pourquoi vous allez. Elle doit être le produit de la parole. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous l'appelez l'église, je ne la reconnais pas. Ça ne compte pas pour lui. Loin de là. Kete. Ça ne compte pas pour lui. Ça n'existe même pas. L'existence véritable est celle qui provient de la parole. Sommes-nous d'accord? Et c'est cela. Que Dieu nous aide à mettre notre fondement au bon endroit. Nous avons tellement besoin de ça. D'être trouvés dans la volonté parfaite de Dieu. Si dans Colossiens chapitre 4, il y a un ministre de l'évangile, frère Epaphras. Colossiens 4. Il est dit ceci, au verset 12. Verset 12 et 13. Colossiens 4. Et qui est de vôtre, vous salue. Amen. Amen. Hein? La manière de la Bible est très élégante. Oui. Et parfois, la moko na bino, a tinte le bino mbote. Serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Combattre pour vous dans ses prières. Pourquoi? Afin que vous teniez bon. Comme des hommes faits. Pas des gens superficiels, négligents, paresseux, idolâtres. Non, mais que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Et pas fal, mon conabino, attendez le bon mot. Yé mombo, na yeso Christo. Akobunaka, na ma bonne de limpo, na bino ete. Botele mangui, na bokoki, mpe ete. Disposé à faire toute la volonté de Dieu. Un combat qui doit avoir des résultats. Pourquoi il le faisait dans la prière? Parce que le Seigneur a enseigné qu'il faut prier sans cesse. Le Seigneur dans sa parole a dit il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Les prières de Epaphras, c'est le produit de la parole. Hésitant pendant 3 mois. Non. Bongoté. Que le nôtre. Bah oui, que le nôtre. Bah oui, soit ferme. Bah la nuit. Et fermement établi dans la foi. Bah ça la nuit. Car Dieu veut des saints. Des hommes établis. Oui, pas la bataille. Dieu en veut comme ça. Dieu en veut comme ça. Et la parole réalisera tout cela. Je le dis et je le répète, la parole de notre Dieu Tout-Puissant réalisera tout cela. C'est un combat dont la victoire est connue. Voilà tout ce que nous entreprendrons comme combat avec le Dieu vivant. Et nous sommes plus que vainqueurs. Dans cette bataille-là, de l'établissement de l'Église, nous avons un principe à la base. Matthieu 16, verset 18. Amen. Il y a Pierre, Amen. Et sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts. Même si elles frappent tout ensemble, elles forment un complot, une conspiration, elles ne prévaudront pas contre elles. Amen. Nous prierons toujours Amen. Et nous ne nous relâcherons pas. Amen. Comme notre précieux frère Epaphras, serviteur de Jésus-Christ, son âme repose en paix. Nous combattrons aussi pour vous. Nous sommes pas pour vous, mais vous aussi. Amen. Je veux que toi sois qui te parle. Et Epaphras est parti. Mais l'évangile est resté. Les cieux et la terre peuvent passer. Les générations peuvent changer. Mais Dieu reste la même. La parole demeure éternelle. Et ici, elle mérite encore notre confiance. Notre confiance. Tenez ferme. Tenez ferme. Soyez ferme dans vos positions. Solidement établi dans la vérité. Dieu veut ça. Il veut se résoudre ça là. Et par sa grâce, tu monteras de niveau. Tu franchiras des étapes nouvelles. Tu atteindras les sommets. Oh ma précieuse, ma rotrice, nouvelle autre, chaque jour je gagne, c'est mon chemin. Je prie toujours, lâche-moi Seigneur, oh Dieu, enlève-moi, lève-moi Seigneur. Quand je me tiens de par la foi seule, l'être fait de Dieu, la paix entre nous, je me trouve, place-moi, Seigneur, oh Dieu, mon cœur me prie, Dieu fait. Un peu une gorgée encore pour notre église. On a un frère qu'on a dit dans les sermons, Christ est le mystère du Dieu révélé. 84. Vous avez des bandes sur la discipline dans l'église. Comment nous nous comportons dans l'église de Dieu. Et comment nous devons nous réunir ici. Et nous asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et nous devons nous réunir. Charnel mangeant du bazooka. Et showing homme. Ou sistant de bonbons. Ou nous attendons au jambon. Où est mon morceau, où est ma part. C'est pas pour ça que nous venons ici. La parole nous enseigne. Comment nous devons nous réunir ici. Dans l'assemblée locale, hein? Et nous asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ne restez pas à la maison. Ne restez pas à la maison. La parole ne vous a pas enseigné à faire ça. Venez vous asseoir. Ensemble dans les lieux célestes. Si Dieu est dans votre cœur, vous serez impatient de voir ces portes s'ouvrir. Pour que vous sentiez ici, afin de communier avec vos frères. Si vous n'avez pas de tels sentiments, alors je vous dis qu'il est temps de vous mettre à prier. Il est temps de commencer à banda. Si vous n'avez pas de tels sentiments, l'empressement, l'embarrassement, c'est les portes de l'église. C'est que le moment du culte commence. Ah, tel frère est entré, l'autre est entré, l'autre est entré. C'est merveilleux. Nous allons communier. Nous allons passer des bons moments. Nous allons adorer Dieu. Nous allons prier. Le nom de notre Saint-Esprit agira. Notre foi agira. De tels sentiments chauds. Si ça vous manque ce genre de sentiments, vous venez à l'église malgré vous. Tout fatigué. L'heure de début de guide, vous avez déjà commencé. Mais regardez comment il marche. Le sang est bien dans le mouton. Pourtant ton corps est en bon état. Des paralytiques qui ont des fois des jambes déformées. On les voit ponctuels à l'église. Il arrive à temps. Mais toi qui as tous tes membres en bon état, Dieu est en train de traîner les pas. Arrivant à l'église à 11h15, un dimanche, au ciel aussi tu vas entrer à 11h15. J'espère qu'il y aura un ange pour t'ouvrir comme ça. J'espère que tu en trouveras un. Qui aurait de la grâce. À t'offrir, à te partager. Et t'assurer que non jamais. Là, c'est la discipline. Tu es en dehors, tu restes en dehors. Surtout nous, les Quinois, les Congolais qui aimons tout négocier. Je pense que nous allons entrer aussi au ciel avec le même esprit. L'esprit à solo là bien. Tout au Congo, c'est négociable. Tout. Tout alors, tout. C'est tout un état d'esprit. Mais l'eau, l'eau, heureux ceux qui lavent les robes. Et qui gardent les commandements du Seigneur. Ceux-là entreront par les portes dans la ville. Dieu l'a dit et Dieu le fera. Si tu ne veux pas le faire, tu n'as pas. Il n'y aura rien là-bas. Mettons nos vies en ordre. Arrêtons ces légèretés qui nous font croire que Dieu n'a pas à comprendre. Mentalité congolaise. On ne veut pas se mettre dans l'ordre de la parole. On mène une vie de négligence spirituelle, mais on s'attend à ce que Dieu me comprenne. Mais vous avez aussi fait un moment de la vie. mon mesa no ma be. Amen. Bizaleli ma be. C'est vrai. Et fandeli ma be. C'est vrai. Pour la kati ya kombi. C'est vrai. Système araï. Place dans ce stéphondi, et t'as la macamba osa. Voyez même. Même les bus publics ici transco. Mais là, il n'y a aucune réglementation. Pour ça qu'elle se commençait. Le conducteur des transco était des chauffeurs courtois. J'en ai croisé plusieurs fois. Malgré son grand bus, il s'arrête, il vous laisse passer. Courtois. On a pris, à cause des chômages, je ne sais pas quel mot chapitre les gens, on a pris des conducteurs des 207, on les a mis au volant des transco. Maintenant là, il vous faut de la vitesse comme des fous. Il s'arrête n'importe où, il frotte n'importe quoi. Les véhicules sont gratuits. Et j'en ai croisé même les bus qui sont encore neufs là. Ils ont en bas un autre jour, quelque part. Et Télémi, ma client, comme le couloir cric. Ils veulent descendre. T'as la bus, ils ont tangé sa main, chauffage. Mauvaise gestion. Et on remplit les gens jusque sur les marchepieds, les escaliers. Moi j'entre partout là, vous savez. Oui. Je ne suis pas esclave d'une certaine idée. J'entre. Il faut juste entrer dans un disco. Il n'y a même pas longtemps. J'ai vidé mes yeux. Je me suis assis au fond parce que la place était là au fond. Le disco est en train de monter. J'ai vu comment les gens se sont remplis au couloir. Hein? Et les chauffeurs continuent à mettre les gens même sur les escaliers. Et à un moment, quand il se met à fermer, il commande le bouton pour fermer le portier. Quelqu'un dit, hey, attendez, on finit là. Et puis lui aussi, il le commande, on l'ouvre d'abord, Minukuna. Et puis quelqu'un d'autre profite entre encore. Mais finalement. Donc il n'y a aucune discipline, aucune règle ici. Et lorsque lui il s'appuie là-bas, encore un côté, à Télémi. À Pigli. Et quand on essaye de fermer, ça vient sur ce bloc derrière son dos. Et puis nous aussi, on lui descendait. Non, on continue comme ça. Mes chers amis. Où est le sérieux? Où est la valeur que nous avons? Même nous-mêmes qui allons nous mettre dans des conditions pareilles pour nous déplacer. Nous allons réclamer qu'on nous respecte. Qu'on respecte notre dignité humaine. C'est pas bon. Bon, une autre fois, je suis entré là. Alors qu'il y a des boutons, hein, vous entrez dans les transco, première chose, payer. Ah bon, les gandos et les sous, tout ça, on a déjà enlevé. Depuis un temps, je ne sais pas, je ne vois plus les tenues rouges là. Alors, maintenant là, quand vous entrez, première chose, vous payez votre ticket. Si vous ne payez pas que les autres serveurs vous attrapent, on va vous amener au dépôt. Ce sera toute une histoire, vous allez payer des amendes. Regardez, il y a des boutons là. Avant l'arrêt, tu pars, tu appuies le bouton pour que le chauffeur soit alerté qu'au prochain arrêt, il doit s'arrêter et te faire descendre. Non. Les gens ne veulent pas ça. Ils se sont mis à crier tout le temps. Hé, qui dit ça gai? Bon. Na arrête qui n'a kuna. Oh, mais on est que c'est gai c'est. Du bruit. Mais il y a des boutons. Avant, quand tu connais ton arrêt, va là-bas. Sinon, il y a comme on a à côté de moi. Non. On veut crier. On fait du bruit tout le temps là-bas. C'est la maquelle. Comme dans un petit WC. L'autre bas, on est que c'est gai, on veut mettre ma bête. Et tout ça. Mais depuis à la fin, je me suis demandé, mais nous sommes que les gens des gens. Miséricorde. La discipline. Et c'est cet esprit que certains veulent amener dans l'église. Et ça, moi, on applique la discipline. Et on veut encore amener tout dilué dans l'église. Non. Bon, vous avez les bandes sur là. Discipline dans l'église. Vous allez la bande dans l'église. Si dans le monde, il y a n'importe quoi qui passe. L'église doit fermer barrière à toutes les fausses idées. Quand ce n'est pas la parole, foutez ça dehors. Voulez-vous? C'est vrai. Bongo. Que Dieu nous accorde cette grâce. Zambé, après, c'est donc, frère de Paphras, fais à son âme, Kimia. Serviteur de Jésus-Christ, il priait pour que nous puissions tenir bon. Comme des hommes faits. C'est-à-dire des hommes parfaits. Des hommes accomplis. Bien constitué et achevé. Que Dieu a placé en eux toute la constitution qu'il voulait. Pour les voir à l'œuvre en action. Des hommes faits. Dignes de confiance pour Dieu. Nous voulons que vous soyez ça. Des hommes faits. Pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Quand il cite ce cas de frère Epaphras, mais c'est lui qui avait écrit d'abord dans Colossiens chapitre 1er que nous avons lu ici, à partir du verset 20. Non, je prie le verset 21 plutôt. Verset 21 à 23. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, comme les pensées des Congolais, de tout négocier, non, c'est le solo caca. Non, c'est le kakola caca. On néglige tout, on gère mal tout, on fait du n'importe quoi pour s'attendre à être supporté, être compris. Nous, par nos pensées, nous étions ennemis aux choses de Dieu. Et ces mauvaises pensées que nous avions étaient accompagnées de mauvaises œuvres. Alors, et les pensées, et les œuvres, le tout faisait de nous ennemis de Dieu. Si dans la forme de vie païenne que nous menions, c'était ça, nous devons veiller que dans la vie nouvelle avec Jésus-Christ, il n'y a plus ça. Qu'on ne trouve pas quelqu'un qui s'appelle frère, qui s'appelle frère, mais qui adore encore ses propres opinions, qui admire ses propres idées, qui ne fait que se défendre de ses propres actions. Même quand on le redresse, on essaye de le corriger, il est incorrigible. Il n'est là que pour se défendre et se défendre. Voilà les ennemis de Dieu qui ont envahi l'église. Malheureusement, cette catégorie de gens, il y en a même parfois à la chair. Fabriqués par leurs propres idées. Ils sont devenus prédicateurs parce que leurs opinions ont voulu qu'il devienne prédicateur. Mais donnez-lui la parole et voyez sa réaction. Toujours à côté. Toujours un esprit qui s'égare. Pourquoi? Faute de vraie nouvelle naissance. La nouvelle naissance placera en nous la nature de la parole. Et ça fera que nous soyons toujours disposés à faire ce que la parole nous demande de faire. Parce que c'est la volonté de Dieu qui est la parole de Dieu. Mais quand on veut tout discuter, parce que c'est l'esprit congolais, un esprit con pour faire des gros. Même là où les choses sont simples, on va avoir toujours des fourberies, des réactions insensées, stupides, pour essayer de rester dans le mal. On se livrera aux singeries, des comportements de singes. Voyez, c'est comme ces gens-là, qui n'ont même pas honte, ils sortent des termes de pétage. Et on s'appelle chrétien, et on n'a même pas aucun frein, et on sort des termes comme ça pour se faire des buzz sur les réseaux sociaux, et faire parler de soi, et devenir célèbre. Pétage africain. Et les gens sont derrière en train de faire les pétages. Et tout ça, dans les milieux de ceux qui disent chrétiens. Vous voyez jusqu'à quel point l'apostasie amène les gens. Ils tombent dans des caniveaux et mangent de la boue. Ensuite, ils disent gloire au Seigneur. Tout est mélangé et hybridé. Ça sent mauvais. Ils ont honte à nous. Sony pour la bisou.